Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Ciao à toutes, voilà donc les 13h30, et bien voici le retour avec l'émission Music Dance comme tous les mardis après-midi. Voilà donc, et bien aussi j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, puis ainsi vous allez continuer de passer une excellente après-midi avec d'autres chansons différentes. Donc on va débuter gentiment l'émission avec tout simplement Alain Bachoum et puis juste après Bibi et puis Céline Dion. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Je chante la merde.

Mais après tout, si elle les cope, c'est bien fait pour cette qui avait déjà l'âge de la retraite quand je roulais encore en patinette. Oui, dans la rue, elle m'a traité de. On voit clair de la bonne façon qu'elle a vendu du poisson. J'ai profité qu'on était seul, je lui ai cassé. Car je ne connais pas de meilleur après que le beurre noir pour une gueule de rat. Mais je t'aime. Je l'ai regretté. Jamais ils n'ont téléphoné, mais quelle idée de rêve. Ce qu'il perd, après tout je l'ai. Voici donc Frédéric François et puis juste après Manala. Au jeu des adieux, je ne t'ai jamais pris au sérieux. Au jeu du chagrin, c'est moi que tu laisses en chemin. Au jeu de l'absence, il ne me reste aucune chance. Je me débats dans ma souffrance, je ne veux pas me résigner. Ton cœur est dans mon si fort que rien ne peut nous séparer. Tant de souvenirs me reviennent. J'ai trop de mémoire. Elle est trop belle, notre histoire. Non, je ne veux pas perdre espoir. Tu ne peux pas t'en aller. Ton cœur est dans mon cœur. Et rien ne peut l'effacer. Je t'aime si fort. Just Voici donc le groupe Gold, et puis juste après Laurent vous le dit.

et moi je viens bien après l'aurore. Quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais me dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les amants de l'Europe se donnent encore dans des lits froissés. Au cœur qui cogne encore, est-ce l'amour ou la mort qui les garde enlacés? Ils ont au fond des yeux des rêves que je rêve fort pour que tu restes encore. Quand l'aube nous gardait tous les deux, et je reviens. Plein de tubes, vous êtes sur la bonne radio. Voici donc Tarzan Boy, et puis juste après on écoutera tout simplement Spagna et ainsi Sabrina. Oh, Next.

Thank you. partir donc Gesh Pati, et puis juste après Denis Soussos.

caillou-le dans ma main. Pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez-nous. Nous relevons votre défi et nous lançons notre cri.

sur Arc-en-Ciel. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there. laugh, play my fiddle with pride. Thank God you're a country girl. My daddy taught me young how to hunt and how to whittle. Taught me how to work and play a tune on the fiddle. He taught me how to love and how to give just a little. And thank God I'm a country girl. Et puis juste après Kim Wilde.

je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Avant d'écouter tout simplement Catherine Lara, voici donc eh bien Diantel. Je l'aimerai à travers toi. Je Arc-en-Ciel. Écoutez bien sûr les chansons, voici donc bien tout simplement les émissions, tout simplement pour aujourd'hui et demain. Voilà donc en soirée à partir de 19h jusqu'à 21h30, 21h, vous allez retrouver Eric Choc avec Christophe, et puis juste après un autre Christophe tout simplement, avec 21h jusqu'à 23h avec Eric Choc. Et après, ce sera Electric Live. Et puis demain sera donc, eh bien, mercredi le matin. Vous allez retrouver Victor avec entre 9h jusqu'à midi. Et puis juste après l'après-midi, entre 14h et 16h, avec Gloria. Et puis, suivi à partir de 16h jusqu'à 18h, ils sont deux, avec Matisse et Lola. Et puis, juste après, entre 18h jusqu'à 19h30, avec Violette. Et puis, pour le jeudi matin, entre 9h jusqu'à midi, eh bien, vous allez retrouver Agostinho. Défile le vent, la rancœur et les peurs. Sous tes tes yeux, je redeviens l'enfant qui t'offrait des fleurs le temps d'un instant. Ta peau, tout est chaos, le cœur à fleur de mots. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado, je me perds pour ta peau, tout est chaos, le cœur à fleur de mots. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Je l'emporterai loin d'ici, dans une vie meilleure. Je serai plus personne, voler ton bonheur. Je dessinerai le soleil sur tes joues, j'effacerai les bleus de ton cou. Dans cette vie, tu n'auras plus peur. À quoi bon tous ces cris? Pourquoi rester ici? Est-ce comme ça que les gens s'aiment? Y'a plus de place pour ma haine, mon enfance à l'étroit. Mon cœur dit je t'aime, mais le monde ne l'entend pas. Y'a plus de place pour ta peine, viens, tu t'emmènes avec moi. J'ai beau hurler en silence, et pourtant tu restes là. Maman, je voulais être docteur, mais je suis devenue flic pour leur faire peur à tous ces voleurs. Je me revois les yeux fermés à chercher le sommeil. J'en voulais au monde entier de le laisser faire. Quand je rêvais même de lui rendre l'appareil. À quoi bon tous ces cris? Pourquoi rester ici? Est-ce comme ça que les gens s'aiment? Y'a plus de place pour ma haine. Derrière toi, maintenant je peux partir, mais moi je serai toujours là. Fiesta latina, hola, hola, hola. Canta conmigo, fiesta, un hombre de verdad.

voici donc Sensei, et puis juste après on écoutera tout simplement eh bien Benoît Eubin. Tenir debout, je me mettrai à genoux. Quand t'es là, je suis bien. Quand t'es là, quand t'es là, quand t'es là, je suis bien. Quand t'es là, quand t'es là. Quand tu boutes, ton sourire reste le tas. Et je t'aime, et je t'aime, c'est tout. Fais-moi tenir debout, je me mettrai à genoux, baby. T'es mon rayon de soleil. Avec toi, j'adore le sexe au lit. T'es mon rayon de soleil. Histoire de je ne veux plus me retrouver sous le baby. Et la vie est dure, baby. Et ta peau est douce, baby. Ah, je prie les dieux, baby. Pour que tout ça, ça dure. Tout ça, ça dure. Et je sais que t'as. Quand je te touche, t'attires sur Saturne. Et ça, ça tue, j'aime quand on s'attaque. Et quand je t'attache, je fais sourire à Satan. Et t'es belle dans tous tes états. T'es belle quand tu boutes, ton sourire reste le top. Et je t'aime, c'est tout. Fais-moi tenir debout, je me mettrai à genoux. Quand t'es là, je suis bien quand t'es là. Quand t'es là, je suis bien quand t'es là. Thank you.

Adieu les villes grises, on va vivre dès ce soir. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bar. Du carnaval. J'ai connu la peine, le pont des soupirs, mais un seul je t'aime m'a rendu le sourire. Un carnaval d'amour. Sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, des chansons velours, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bar, ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. C'est Modern Talking, et puis juste après, ce sera Luana. Music. Savais très bien qu'on a dans la vie fait sa vie. Voilà donc, il est 16h46 minutes, et bien c'est cette chanson-là qu'on va se quitter. Voilà donc, on va se retrouver donc, et bien vendredi, toujours pareil à partir de 13h30, et puis ainsi on se retrouve tout simplement dès dimanche, juste après l'émission tout simplement de Jérôme et de Lionel. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Prendre aussi le temps d'en rire, ne plus jamais me mentir. Pour l'amour de l'amour, j'aurai tout abandonné. Faire l'amour sans amour, j'aurais même essayé. Je